الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، نلوون جيتا الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de ses bienfaits, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses bienfaits et de nous raffermir sur la voie de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim. Fa la zala al kalamu an qawlillahi azza wa jalla ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nous continuons toujours sur le verset dans sourate al-Baqarah, au milieu du verset du jeûne. Dans la traduction approximative du sens du verset nous dit « Mais ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. » C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas supporter le jeûne, non, ils ont la compensation, qui est le fait de nourrir un mendiant par jour qu'ils n'ont pas jeûné. « Wa fi hadha as-sinf kama marra ma'ana yadkhulu fihi al-ajouz wa ash-shaykh al-kabir » تدخل فيه العجوز والشيخ الكبير اللذان لا يطيقان الصيام بدون خلاف وكذا المريض مرضا مزمنا الذي لا يرجى برؤه في الأسباب بالأسباب المعروفة الآن عند الأطباء ووقع الخلاف في حق المرضع والحامل. Et donc cette catégorie rentre dans cette catégorie qui ont le droit de ne pas jeûner et de compenser tout simplement avec une nourriture par jour d'un mendiant, le jour qu'ils n'ont pas jeûné. En tout cas, les femmes d'un certain âge, les hommes d'un certain âge qui ne peuvent pas jeûner, qui ont des difficultés à jeûner. Donc, ils n'ont pas à jeûner, tout simplement, ils nourrissent un pauvre. Et ici, il s'agit de la nourriture, il ne s'agit pas de donner de l'argent. Il est demandé la nourriture. Ils n'ont pas donné de l'argent. Que la nourriture soit cuite ou pas cuite. Quand il n'est pas cuit, à 1,5 kg de denrées alimentaires, ils font l'affaire. Maintenant, c'est la personne avec, mettons, il a 10 jours, il a 15 kilos, et avec les 15 kilos qu'il mélange de denrées alimentaires, il rajoute de l'huile, du thé, du café, ça c'est un plus, il n'y a pas de problème. Et donc, rentre dans cette catégorie qui ont le droit de ne pas jeûner et de compenser avec la nourriture d'un pauvre. Les malades qui ont une maladie chronique, il n'y a pas espoir qu'ils soient guéris par les moyens et par les causes que connaît la médecine aujourd'hui. Sur ces trois catégories, il n'y a pas de problème. Il y a eu la divergence, il y a eu sur la femme qui allaite et la femme qui est enceinte. Quand ils ont peur pour leur nourrisson, quand la femme qui allaite a peur pour son nourrisson, ou contre la femme qui est enceinte à port pour elle-même, ils ont le droit de ne pas jeûner. S'ils ne peuvent pas jeûner, ils ont le droit de ne pas jeûner. Et certains hommes de science vont décréter pour elles le rattrapage. D'autres vont décréter pour elles la compensation. Chaque jour non pas jeûné, c'est de nourrir un mendiant. D'où vient cette divergence? Il vient tout simplement que ceux qui décrètent pour elle qu'il doit rattraper, ils l'ont comparé au malade, dont la maladie est curable. Et ceux qui ont décrété pour elle la compensation, ils l'ont mis dans la catégorie des personnes qui ne le peuvent pas. Ils ont leur preuve, et leur preuve est beaucoup plus forte que la preuve de ceux qui disent qu'il faut qu'ils rattrapent. Et parmi ceux qui disent qu'il faut qu'ils rattrapent, des grands hommes de science parmi le contemporain, à savoir son éminence, rahmatullah alayh, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen et d'autres, Cheikh Al-Fawzan actuellement, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad et d'autres. Et parmi les éminences qui ont pris l'avis qu'il doit compenser tout simplement, il y a l'imam du hadith, qui est Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, et beaucoup d'autres hommes de science, parmi les anciens et parmi les contemporains, sont sur cet avis-là aussi. فمما لا شك فيه أن العلماء اختلفوا في المرضع والحامل، منهم من جعل لها الفدع ومنهم أوجب عليها القضاء، وسبب هذا الاختلاف هو أن منهم من جعلهما كالمريض فأعطوها حكم المريض وقالوا عليها القضاء على الحامل والمرضع. Donc il y a aucun doute, partant de là, il y a aucun doute que ce point est concerné par une grande divergence entre les hommes de science qui concerne la femme qui allaite et la femme qui est enceinte quand ils ont peur pour leurs enfants. Certains ont décrété la compensation pour elles et d'autres ont décrété pour elles le rattrapage. La divergence, sa cause, c'est tout simplement que ceux qui ont dit qu'il faut qu'ils rattrapent, ils le considèrent comme un malade dont la maladie est curable. والمخالفين لهم قالوا إن المرضع والحامل من حيث النظر في النصوص أقرب إلى الصواب وإلى الدليل. الأقرب إلى الصواب وإلى الدليل هو الفدية. Quant à ceux qui sont en divergence avec ceux qui ont dit qu'il faut qu'ils rattrapent, ils disent, ils attirent l'attention que la méditation des textes font que la femme qui est enceinte et qui allaite, quand ils ont peur pour leurs enfants, leur place et leur situation est beaucoup plus proche des personnes âgées et des personnes qui ne peuvent pas jeûner. فالعلماء الذين قالوا أنها أقرب إلى الشيخ والعزوز وعلى رأسهم اثنان من العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فعن مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. Donc les hommes de science qui ont dit que la femme qui allait est celle qui est enceinte est proche des personnes âgées dans leur situation et des personnes âgées et de ceux qui ne peuvent pas jeûner, à la tête de ces grands hommes de science, il y a les éminences de science parmi les nobles compagnons d'Allah alayhim, à savoir le sillon de science Abdullah ibn Abbas et l'homme de science par excellence Abdullah ibn Omar, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. An Malik, an Nafi', an ibn Omar, سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. سلو مالك الإمام دو دار الهجرة كي لو رابورت دو نافع كي لو رابورت دو عبد الله بن عمر الله سبحانه وتعالى لي زاغري كو عبد الله بن عمر a été questionné, a été interrogé concernant la femme enceinte quand il a peur pour son fœtus. Et il a dit, il rompt le jeûne, il nourrit pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné un mendiant, l'équivalent d'un mout de hinta, qui dont les hommes de science l'estiment maintenant à 1,5 kg. De denrées qui sont les denrées moyens avec lesquelles on se nourrit. وروى الدارقطني عن ابن عمر وصححه أنه قال الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. ورواه من طريق آخر أن امرأته سألته وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. وهذا صحابي مثال في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ممن أمرنا باتباعهم رضي الله عنه وأرضاه. الدارقطني رحمه الله rapporte d'Abd Allah ibn Omar, et il l'a authentifié, que la femme qui allait et la femme qui est enceinte rompent le jeûne quand ils ont peur pour elles-mêmes ou pour leur enfant, ils ne rattrapent pas. Et il a rapporté d'une autre voix aussi, الدارقطني rapporte d'une autre voix, que la femme d'Abd Allah ibn Omar l'a interrogé alors qu'il était enceinte, Et il lui a dit, rompe le jeûne, et pour chaque jour que tu n'as pas jeûné, tu vas nourrir un mendiant et tu ne rattrapes pas. Et qui est Abdullah ibn Omar dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Et il fait partie du sitilite. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il est obligatoire de prendre leur chemin dans la compréhension de la religion et dans sa mise en application qui sont les nobles compagnons d'Allah alayhi. ومن طريق ثالث عنه أن بنت له كانت تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمرها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. Une troisième voie, toujours selon Abdullah ibn Omar, chez Dharqutni rahimahullah, une fille d'Abdullah ibn Omar qui était mariée à un homme, un Quraishite, et qui était enceinte, et qui avait eu soif durant Ramadan. Abdullah ibn Omar lui a ordonné de rompre le jeûne et de nourrir pour chaque jour un mendiant. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, annahu ra'a umma waladin lahu hamilan aw murdi'an, faqala anti min alladhina la yutiquna, alayki bil jaza' et bil fidya. وليس عليك القضاء رواه الدارقطني بإسناد صححه رحمة الله عليه. عبد الله بن عباس a vu la mère de son fils enceinte ou en train d'allaiter. Il lui a dit, toi, tu fais partie de ceux qui ne le peuvent pas. Tu n'as tout simplement à compenser chaque jour que tu n'as pas jeûné par la nourriture d'un pauvre et tu n'as pas à le rattraper. Et cela est rapporté aussi par Dharqutni et Dharqutni l'a authentifié. وفي ما روى الترمذي والنسائي وابو داود وسنده حسن كما قال الترمذي رحمه الله عليه عن انس بن مالك الكعبي وهذا غير انس الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال أدن فكل فقلت إني صائم فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما فيا له فنفسي ألا أكون طعمت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Voici un autre hadith maintenant de Anas ibn Malik al-Ka'bi qui est autre que Anas qui était au service du prophète عليه الصلاة والسلام. Il a dit, l'armée du prophète alayhi salatu wassalam nous a attaqués. Et puis, je suis venu vers le prophète alayhi salatu wassalam et je l'ai trouvé en train de manger, en train de prendre le déjeuner. Et le prophète m'a dit alayhi salatu wassalam, approche-toi et mange. Je lui ai dit, je suis en état de jeûne. Il lui a dit, alors approche-toi, je vais te parler du jeûne. Et il lui a dit alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala a dispensé le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière. A dispensé à le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière. C'est-à-dire, toutes les prières à 4 rak'at, il fait que la moitié, que 2 rak'at. Et la femme enceinte, ainsi que celle qui allait, il les a dispensés du jeûne. La femme enceinte et celle qui allait. Et son noble compagnon a juré, il a dit, par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toutes les deux ou une d'elles. Et il a dit, hélas, j'ai regretté de ne pas avoir mangé le repas du prophète alayhi salatu wassalam. Hélas, j'ai pas mangé, ou j'ai regretté de n'avoir pas mangé du repas du messager alayhi salatu wassalam. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن الحامل والمرضع أهي أقرب إلى المريض أم إلى المسافر أو إلى الشيخ العزوز؟ Donc la question qui se pose maintenant, la femme enceinte et la femme qui allait sont-elles proches, leur situation est proche du malade dont la maladie est curable et du voyageur ou des personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner? العلماء الذين قالوا بأن حالتهما أقرب إلى حالة الشيخ والعجوز وعلى رأسهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما زيادة على أن هناك قاعدة شرعية تقول إن المشقة تجلب التيسير. Donc, les hommes de science qui ont dit que la situation des femmes qui allaitent et qui sont enceintes, leur situation est proche des personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner. Alors, tête de ces hommes de science, il y a Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar. Rajoute à ça qu'il y a une règle dans la législation. Quand il y a la difficulté, ramène la facilité. La règle, al-mashaqqatu tajlubu at-taysir. La difficulté amène la facilité. وهذا معناه أن الرخص جاءت لرفع المشقة. فيقولون إذا قلت للعجوز والشيخ أفطرا وعليكم القضاء ماذا سيفعلان؟ سيكون جوابهم أصوم ولو مت. لماذا؟ لأنهم يحملون هم القضاء أكثر مما يحملون هم الصيام. فيقولون إن صمنا مع الناس لعله يكون أهون علينا والمفترض أنه كلما كبر السن كلما وهن العظم واشتعل الرأس شيبا فإذا يقول أهل العلم متى يقضي هذا المسكين لو قلنا له أفطر مع مراعاة أنه يلزمك القضاء فهذا لا شك يقول العلماء أنه سيقول لا حاجة لي برخصتكم فرخصتكم ما تزيد الأمر إلا تعسيرا والقضية والقاعدة الشرعية بعكس ذلك القاعدة الشرعية تقول المشقة تجلب التيسير لا التعسير Et donc, cela veut dire, selon cette règle, la difficulté amène la facilité, cela veut dire que les autorisations sont venues pour sortir les gens des difficultés. Et les hommes de science disent, maintenant si tu dis à la personne âgée qui ne peut pas jeûner, rompez votre jeûne, vous avez à le rattraper, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a aucun doute que leur réponse est, je vais jeûner même si je meurs. Pourquoi? Parce que ils vont avoir le souci du rattrapage, plus que le souci du jeûne. Et il dit, si nous jeûnons avec les gens, peut-être que la situation va être plus facile. Et en plus de ça, plus la personne avance dans l'âge, plus la santé ne suit plus. Hein? Plus il devient encore plus faible. Hein? Plus les capacités sont moindres, ils faiblissent encore plus. Et dans ces cas-là, les hommes de science disent, quand est-ce qu'il va rattraper ce pauvre? Si on lui dit, rompe ton jeûne maintenant et rattrape-le, quand est-ce qu'il va rattraper? Et il n'y a aucun doute, disent les hommes de science, que cet homme va te dire, je n'ai pas besoin de votre autorisation. Votre autorisation rend la situation encore plus difficile. Alors que la règle est tout à fait le contraire de tout ça. La règle dit, la difficulté ramène la facilité. Ils n'ont pas la difficulté. Ils ramènent encore plus de facilité. فَالْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ الْمَرِيضُ مَرَضًا غَيْرَ مُزْمِنُ أي المرض الذي يرجى سيشفى بإذن الله عز وجل. المريض هذا الذي سيشفى بإذن الله عز وجل مهما طال المرض سيشفى أما المسافر فسينقطع سفره يوما ما ويرجع إلى أهله، فهذه علل عارضة. أما بالنسبة للشيخ والعزوز فكلما مر بهما الزمان ازدادت بهم المشقة، فعندما تأتيه الفرصة للأخذ برخصة شرعية فلا يأخذها، فيقول أصبر وأصوم مع الناس مهما كان الحال إذا كان لابد من القضاء. Donc, le malade dont la maladie est curable ainsi que le voyageur, le malade dont la maladie est curable, بإذن الله عز وجل, sa maladie, peu importe le temps, il va guérir, بإذن الله, quand la maladie n'est pas chronique. Et même la maladie chronique, dit Allah subhanahu wa ta'ala, il donne son remède. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guérit. Quant au voyageur, un jour ou l'autre, il va revenir chez lui. Il ne va pas rester éternellement en voyage. Donc ceux-là, ce sont des causes passagères. C'est des empêchements de ne pas jeûner qui sont passagers. Quant aux personnes d'un certain âge, qui ont des difficultés, qui ont des maladies, plus l'âge il avance, plus ils ont des difficultés. Et quand se présente devant lui une occasion dans laquelle il peut prendre une législation, une autorisation de la législation, il ne va pas la prendre. Si tu lui dis, tu la prends, mais tu devras rattraper. Il va dire, non, je ne la prends pas. J'accomplis qu'il arrive ce qu'il arrive. Si c'est obligatoire de rattraper, il ne va pas la prendre cette autorisation. أما إذا قيل لهم الشرع لا يلزمكم القضاء فإما أن تصوم إن استطعتما وإما أن تطعما فهنا تصبح القاعدة سليمة المشقة تجلب التيسير وهذا مصداق لقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومصداقا لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالقاعدة أصلها هذه الآيات أصلها من كلام رب العزة سبحانه وتعالى Mais maintenant si on dit à ces personnes âgées et qui ont des difficultés à jeûner, la législation ne vous oblige pas à rattraper. Vous pouvez ne pas jeûner. Si vous pouvez jeûner, vous avez la capacité, vous vous sentez capable de jeûner, jeûnez. Mais si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas à jeûner et vous n'avez pas à rattraper. Vous avez tout simplement à compenser la nourriture d'un mendiant pour chaque jour non observé. Et dans ces cas-là, la règle va être saine et va être correcte. La difficulté amène la facilité. Et cette règle prend sa source dans les versets cités ici. Au milieu des versets du jeûne, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et à la fin de sourate al-Baqara, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas aux personnes ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc tu vois que la règle, il prend sa source dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفيما يخص الحامل والمرضع فإن بعض أهل العلم يقولون أن المرأة هذا الأصل الأصل في المسلمة هو هذا أن المرأة المسلمة تكون هذه السنة حامل تخشى على جنينها وتأخذ بالرخصة وما يأتي رمضان الثاني إلا وهي مرضع وما يأتي رمضان الذي بعده إلا وهي حامل هذا الأصل ولعل قائلا يقول هذا الكلام لا وجود له فأقول لك اسأل الذين يدعون منذ سنوات منذ 20 و30 سنة إلى تحديد النسل في البلدان الإسلامية لماذا وحتى هنا لبعض الأسر المسلمة Et donc, en ce qui concerne la femme qui est enceinte et la femme qui allaite, certains nombres de sciences disent, et ça, c'est l'origine, et c'est la base, et c'est la nature, La femme musulmane, une année, il est enceinte. Hein? Et quand il est enceinte, s'il a peur de son, pour son fœtus, il prend l'autorisation. Et quand arrive l'autre Ramadan, il va être en train d'allaiter. Et quand arrivera le troisième Ramadan, il sera encore enceinte. Ça, c'est l'origine. Et c'est la base, et c'est la nature. Hein? Et peut-être que certains disent, cela n'existe pas. Réveille-toi, Akhal Islam. Regarde l'acharnement depuis les années 80, et un peu avant, dans certains pays de l'islam, la propagation que faisait, les pressions de certains pays, la propagation qui était faite à l'alimentation des naissances dans les pays de l'islam. Hein? Et même ici, la pression qui a été mise à certaines familles qui ont, parmi les musulmans qui ont beaucoup d'enfants. فَتَقُلْ هَذَا إِذَا لَمْ تَعِشْهُ أَنْتَ فَعِشْنَاهُ. Hein? Si tu vis pas cette situation maintenant, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Nous avons vu de nos propres yeux et de nos propres familles. Hein? Nos mères étaient enceintes une année il allait, et ainsi de suite. Hein? Nos grands-mères étaient la même chose. Tout ce changement qu'il y a eu, c'est l'influence occidentale sur, la culture des pays de l'islam. Et c'est le fait de vouloir imiter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'imiter. فَالْمَرْأَةُ وَلُودٌ وَدُودٌ وَلُودٌ وَدُودٌ يأتي رمضان وهي حامل والذي يليه وهي مرضع والذي بعده وهي حامل وهكذا. La femme, c'est une femme qui tombe enceinte et qui au plus de ça, c'est une femme qui est câline vis-à-vis de son mari et qui en même temps tombe enceinte. Il arrive Ramadan, sur Ramadan, il est enceinte. L'autre, il est en train d'allaiter, l'autre, il est enceinte, et ainsi de suite. ويقول أصحاب هذا الرأي وهذا المذهب وهو مذهب الفدية للحامل والمرضع الذي اللتان تخافان على ولديهما لو قلنا لها يلزمك القضاء فهناك حالتين إما أن تصوم ويقع لها ما يقع وإما ستمتنع عن الحمل كما يفعل البعض فكثر التي اللواتي أصبح الحمل عندهن أصبح عندهن الأمر أنهن لا يحمل ومنهم من إذا حملت لا يرضعن وهذا ليس بصواب وهذا مخالف للطبيعة التي خلق منها الإنسان إذا كان هناك مرض لا شك كان هناك مرض لا شك لكن فقط اتباع الهوى هذا أمر خطير Et donc ceux qui ont opté pour que la femme qui allait et qui nourrit et qui est enceinte quand ils ont peur pour elles-mêmes ou pour leurs enfants qui doivent compenser qu'ils n'ont pas à rattraper s'ils ne jeûnent pas le mois de Ramadan, ils disent, il y a deux situations, on va se retrouver en face de deux situations. Soit la femme va jeûner, il va peut-être lui arriver des complications, soit il va s'abstenir, il va refuser de tomber enceinte, comme font beaucoup de nos jours. Hein? Beaucoup de nos jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, la solution est devenue pour elle très simple. je ne tombe pas enceinte. Et certains, quand ils tombent enceintes, ben, ils n'allaitent pas. Et ceci, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Bien sûr, quand la femme a des difficultés à la succession des, du fait de tomber enceinte, etc., il n'y a aucun problème. Dans ces cas-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les hommes de science, lui ont trouvé, les verdicts qui lui convient et l'autorisation qui lui convient. Parce que ce qui est voulu, c'est que les personnes soient dans leur aisance et non pas de les mettre dans la difficulté et d'aggraver leur situation. Mais la base et la nature, c'est ce qui a été dit auparavant. Et non pas les solutions vers lesquelles opte notre jeunesse maintenant en suivant leur passion et leur désir. وَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا كِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَامِلًا هَذِهِ السَّاعَةَ هَذِهِ السَّنَةَ وَقِيلَ خُذِي بِالرُّخْصَةَ وَقْضِي بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِرُخْصَةَ هَذِهِ مَشَقَّةَ فَأَنَا أَحْمِلُ هَمَّ الصِّيَامِ مَعَ النَّاسِ فَأَنَا حَامِلٌ هَذَا فِي هَذَا الشَّهْرِ فِي رَمَضَانَ هَذَا وَالَّذِي يَلِيهِ سَأَكُونُ مُرْضِعًا فَمَتَى سَأَقْضِي لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُرْضِعُ سَنَتَيْنِ على الأكثر وإذا حملت تركت الرضاع فهذه الرخصة ليست تيسيرا بل تصبح عليها تعسير تقول et donc à la nature la femme si la femme est enceinte cette année durant le mois de Ramadan et on lui dit prends l'autorisation et rattrape après il va te dire ceci ce n'est pas une autorisation ceci c'est une difficulté. Je porte le souci maintenant de jeûner avec les gens. Je suis enceinte durant ce mois de Ramadan. Celui qui va arriver, je serai en train d'allaiter. Quand est-ce que je vais rattraper? Car la femme à l'origine et à la base, il allait 2 années. Le maximum, c'est 2 années d'allaitement. Et quand il tombe enceinte, il délaisse l'allaitement. Et donc, cette autorisation, si on lui dit il faut qu'il rattrape, va devenir une difficulté pour elle. لهذا قال أصحاب هذا المذهب من أهل العلم إن النظر السليم والقول الراجح يتمشى والأدلة أن يقال للمرضع والحامل إذا استطعت الصيام صومي أما إذا خشيت على نفسك أو طفلك سواء كان الجنين أو الجنين والرضيع فخذي بالرخصة وأطعمي عن كل يوم مسكين. C'est pour ça que ceux qui ont opté pour cette voie parmi les hommes de science, ils ont dit que l'analyse profonde et la parole prépondérante selon les preuves dicte que la femme qui allait et la femme qui est enceinte, quand ils ne peuvent pas jeûner, quand ils peuvent jeûner, on leur dit de jeûner. Quand ils ne peuvent pas jeûner et qu'ils ont peur pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, que ce soit le fœtus ou que ce soit le nourrisson, qu'ils prennent l'autorisation et qu'ils compensent par la nourriture d'un mendiant par jour, non pas jeûner. فَأَصْحَابُ هَذَا الْمَذْهَبِ جعلوا المرضع والحامل داخلة في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهما في حكم العجوز والشيخ. Donc ceux qui ont opté pour cette voie, ils ont fait de la femme qui allait et la femme qui est enceinte, ils l'ont englobé avec les personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner, et ils ont dit qu'il est concerné par le verset qui dit, dont la traduction approximative nous dit ceci, et ceux qui ne le peuvent qu'avec difficulté, c'est-à-dire qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, ils n'ont qu'à compenser chaque jour non jeûner par la nourriture d'un mendiant. فَالْآيَةُ نُسِخَتْ فِي حَقِّ الْقَادِرِينَ عَلَى الصِّيَامِ وَلَعَلَّ قَائِلًا يَقُولُ هَذِهِ الْآيَةُ هذه الآية كانت قبل فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يقول العلماء نعم بمعنى أنه كان يجب الصوم على كل المؤمنين مع ملاحظة أن الذي يقدر على الصيام يصوم وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. وهذا كان لكل مكلف، ونسخ في حق القادرين على الصيام وجب في حقهم الصيام، أما غير القادرين فبقي عليهم الإطعام فقط. Donc ce verset a été abrogé, et ceux qui ne le peuvent qu'avec difficulté a été abrogé pour ceux qui peuvent jeûner. Ceux qui peuvent jeûner, خلاص, pour eux le verset a été abrogé. Et peut-être que certains peuvent se dire ce verset vient après le verset qui dit « Celui qui est présent durant le mois de Ramadan, qu'il le jeûne. » Donc, c'est obligatoire. Les hommes de science disent « Oui. » Cela veut dire qu'il est obligatoire pour tout croyant pubère de jeûner en prenant en considération ici qu'auparavant, celui qui pouvait jeûner ne jeûnait pas et compensé par la nourriture d'un mendiant. Hein? Il pouvait, s'il voulait jeûner, il le jeûnait, il ne le jeûnait pas, خلاص, il nourrissait un mendiant. Et ceci a été pour tous ceux qui sont pubères, malades ou pas malades. Et ceci a été abrogé pour tous ceux qui sont capables de jeûner. Il est devenu obligatoire pour eux de jeûner. Et le verset est resté, l'exception est restée pour les personnes âgées, et pour toutes les personnes qui n'ont pas la capacité de jeûner. Hein? Fa qabla an yakuna as-siyam wajiban law akramana Allah subhanahu wa ta'ala bil 'aysh fi dhalika az-zaman sumna in shi'na aw aftarna wa at'amna in shi'na liqawli 'azza wa jalla 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yani alladhi yutiqu as-siyam wa yuftir يلزمه إطعام مسكين عن كل يوم، أما العاجز فلا إشكال فيه. ولما نسخت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم في حق من لا عذر لهم بقيت ثابتة في حق أصحاب الأعذار وإن كانوا يستطيعون الصوم كالمسافر والمريض. فالمرأة الحامل والمرضع تستطيعان الصيام مع المشقة، وكذلك العجوز والشيخ يستطيعان الصيام مع المشقة، فالمشقة تجلب التيسير، فالعجوز والشيخ والحامل والمرضع يقول لهم العلماء بقيتم في حكم العموم بعد النسخ على القادر، فالآية لم تنسخ كليا وإنما جزئيا، فهي منسوخة في حق القادر وليست منسوخة في حق العجوز والحامل والمرضع والشيخ ولهم نفس الدليل. وهذا قول حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس، وقول عالم الصحابة عبد الله بن عمر، وكما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. فإن الله سبحانه وتعالى avant que le jeûne ne soit obligatoire, si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait honoré de vivre à l'époque, nous aurions pu jeûner si nous voulions, ou ne pas jeûner, et dans ces cas-là, on nourrissait un pauvre pour chaque jour que nous n'avons pas jeûné. Pourquoi ? Pour la parole d'Allah, qui est dite dans la traduction approximative du sens du verset, « Et ceux qui le peuvent, hein, nourrissent, qui le peuvent et qui ne le jeûnent pas, nourrissent un mendiant pour chaque jour qu'ils ne l'ont pas jeûné. » Cela veut dire que ceux qui avaient la capacité de jeûner, ne jeûnaient pas. Et il était obligatoire pour eux de compenser avec une nourriture d'un mendiant pour chaque jour qu'ils n'ont pas jeûné. Mais ceux qui étaient incapables de jeûner, ceux-là, il n'y a aucun problème pour eux. Ils ne jeûnaient pas à la base et il compensait tout simplement. Et quand le verset a été abrogé, et ceux qui le peuvent, par le verset qui dit « Et celui qui est présent durant le croissant lunaire du mois de Ramadan, qu'il le jeûne », Ceci a été abrogé concernant tous ceux qui ont la capacité de jeûner et qui n'ont pas d'excuses. Et le verset est resté concerne toujours ceux qui ont des excuses et ceux qui ne peuvent pas jeûner. La femme enceinte, la femme qui allaite, peuvent jeûner, mais ils ont des difficultés. Les personnes d'un certain âge peuvent jeûner, mais ils ont des difficultés. Et la règle dit, la difficulté ramène la facilité. Donc, les personnes d'un certain âge, ainsi que les femmes enceintes et qui allaitent, les hommes de science leur disent, vous êtes restés dans le jugement général du verset qui a été abrogé pour ceux qui peuvent jeûner, ceux-là doivent jeûner. Donc le verset n'a pas été abrogé complètement. Il a été abrogé partiellement. Il y a une partie qui a été abrogée. Hein? L'abrogation ne concerne que ceux qui ont la capacité de jeûner et qui peuvent jeûner. Il n'est pas abrogé concernant tous ceux qui ne peuvent pas jeûner, qui sont les personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, et ainsi de suite. Et ça, c'est la position et l'avis de le sillon de science qui est Abdullah ibn Abbas. Et la position et l'avis de l'homme de science par excellence parmi les nobles compagnons d'Allah alim qui est Abdullah ibn Omar. Ibn Hazm, rahimahullah, dans le Muhalla, il dit, et on ne leur connaît pas un divergent parmi les nobles compagnons. C'est-à-dire, aucun compagnon n'a été en divergence avec eux, avec leur position. وَلَعَلَّقَ إِلَنْ يَقُولْ مِنْ كَبَا مِنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ كَبْنِ بَازٍ رَحِمَهُ اللَّهِ وَالْعُثَيْمِينَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا سَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُسْكِنَهُمْ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ وَغَيْرُهُمْ يَقُولُونَ بِخِلَافِ ذَلِكَ. ها؟ فالكلام هنا لأهل العلم. ها؟ الكلام هذا الخلاف بعد الصحابة. ها؟ أما قبل الصحابة في وقت الصحابة لم يكن. لم يعرف لابن عباس ولا عبد الله بن عمر مخالف. إنما الكلام هنا يأتي بعد الصحابة. ها؟ والخلاف أهل العلم اختلفوا في المسائل الفقهية. كثير من المسائل الفقهية. والمسلم مطلوب منه أن يتبع الدليل. وأن يرجح الدليل وأن لا يتبع هواه. وأن لا يتعصب لمذهب من المذاهب. ولا لرأي شيخه ولا لرأي مرشده ولا لرأي من يحب، إنما أنت مطالب باتباع الدليل. فإذا لم تعرف الدليل ولم تعرف أن تميز، فأهل العلم بينوا لك أن تنظر إلى أعلم العلماء وأقربهم إلى الدليل وأعلمهم لا في الحديث ولا في الفقه، فخذ برأيه، فخذ برأيه. ها؟ أما أن تتبع هواك فأنت على خطر، لا تتبع الهوى، فتأتيك رخصة هنا فتتبعها وتأتيك رخصة من هنا فتتبعها، فيصبح عندك الدين كله رخص. أبدا أخ الإسلام، لا بد أن نحتاط. Et donc, peut-être que certains peuvent se dire que parmi les grands hommes de science et les éminences de science de notre monde, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le Firdaus al-A'la à ceux qui sont morts, et qu'il allonge la vie de ceux qui sont vivants dans son obéissance et dans la défense de la voie de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim. Tu dis, il y a une grande différence. Il y a ces hommes de science, ces grands hommes de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, qui sont en divergence avec la position d'Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar. Dans la parole d'Ibn Hazm, il nous parle qu'il n'y a pas eu de divergence parmi les compagnons avec les positions d'Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas. Donc la divergence, il y a eu quand? Après eux. Normal qu'après, dans notre monde contemporain, il y ait deux positions différentes. Hein? Ceux comme Ibn Baz et comme Ibn Uthaymeen qui voient qu'il est que la femme enceinte, la femme qui allaite, fait partie des malades, dont les maladies sont curables, et que l'Albani et d'autres prennent l'autre position, que il est comme les, ceux qui ne le peuvent pas, qui doivent compenser. Et, hein, chacun ramène les preuves et les, desserte ses preuves. Il les met en avant. Maintenant, moi, il me demandait quoi? Il m'a demandé de suivre la preuve. Il ne m'a pas demandé de suivre une passion. Mais de suivre mon leader. Hein? Ou comme font ceux des partis éclatés, suivent l'émir de leur quartier. Ou l'imam de leur mosquée, même s'ils ont en divergence avec la parole d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi sallam. Abedan. Ce qui m'est demandé, c'est de suivre la preuve. Je ne sais pas faire la différence dans la divergence. Les hommes de science m'ont donné un repère. Ils m'ont dit, regarde, le plus pieux parmi les hommes de science, et celui qui a le plus de science, prend son avis. Hein? Mais attention, que ton avis ne soit pas dirigé par tes passions. Parce que si ton avis est dirigé par les passions, ça va être très dangereux pour toi. Parce que chaque fois, tu vas te pencher vers les autorisations. Vers les autorisations, et ta religion va être en danger. Et ta religion va devenir pire que light. Quelque chose, s'il y a quelque chose de plus light que le light, ça va être ça. Et ça va être facile. Hein? Et la débauche peut être très, très facile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il faut faire très attention à ce qui se trame dans nos cœurs. Hein? Il faut faire très attention à ça et aux choix que nous voulons faire. Et si on n'y arrive pas, on peut demander à des hommes de science parmi les contemporains. J'ai un problème entre cette position et celle-là. Un homme de science digne. Tu vas pas maintenant à l'homme de science de l'école de la raison, chez l'Ikhwan ou chez Tablir ou Adam. Abedan. Aujourd'hui, hier ou avant-hier, j'aurais fait écouter une fatwa, mais qui donne la sueur blanche, la sueur froide sur le front, d'un Tablir, d'un cher Tablir turbané. Regarde, l'iyadan billah, l'ignorance qu'il fait. Il a dit, si tu vas faire tes besoins, et que tu fais les sinja avec l'eau, il faut obligatoire que tu te suies. Parce que quand tes parties vont se serrer, quand tes cuisses vont se serrer, il y a quelque chose qui va rentrer de ta partie intime de devant, et dans ces cas-là, ce qui va rentrer de ta partie intime de devant annule ton jeûne. A'oudou billah. Et il a dit, bah, ça annule le jeûne, comme ce que tu fais partir par ta bouche. Comme... Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut regarder chez qui on prend sa religion. Comme il a dit Ibn Sirin, comme le rapporte Imam Muslim dans, hein, dans la Muqaddima de son Sahih, Inna hada al-ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Cette religion elle-même est une, cette science elle-même est une religion. Regardez ce que vous la prenez. Il faut faire très attention. Hein? فدليل إفطار العجوز والشيخ والحامل والمرضع هو نفس الدليل وهو الذي احتج به عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في هذه المسألة وكما مر أن الخلاف قائم بين أهل العلم ها اي دونك لا بروف pour que la femme enceinte et celle qui allait ainsi que les personnes âgées la preuve pour qu'ils rompent leur jeûne et qu'ils compensent tout simplement, c'est le verset. Et ceux qui le peuvent qu'avec difficulté, hein, ont à ramener une compensation pour chaque jour. Hein. Et c'est cette preuve-là qu'a mis en avant, hein, l'océan de science, Abdullah ibn Abbas, ainsi que l'homme de science des compagnons, Abdullah ibn Omar. Et ce sujet, dans notre, hein, est un sujet qui est, hein, dans laquelle il y a eu la place à la divergence entre les hommes de science. ونأتي maintenant, ونأتي الآن إلى الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم ولا تقضيان الصلاة. لا يحل لهما لا الصوم ولا الصلاة ولا تقضيان الصلاة ولكن تقضيان الصوم كما هو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أليس إذا حاضت. وهو حديث طويل متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهو عند البخاري. فواحدة تقول أنا حائض وأصوم يقول له أهل العلم حرام عليك. تقول أنا أراعي حرمة الشهر. أنت تراعين حرمة الشهر أكثر من رب العزة سبحانه وتعالى الذي حرم عليك الصيام. هذا لا يجوز، هذا يعتبر تدخلا في شرع الله. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن تراعي حرمة الشهر لما حرم عليك الصيام أصلا ولا أمرك بالصوم، فهذا تدخل في شرع الله وإدخال العقل فيما لا يعنيه. وإذا صامت الحائض والنفساء فقد ارتكبتا ذنبا عظيما. وكما نبه العلماء أن ما يفعله بعض النساء من ترك الطعام والشراب عمدا حال الحيض ثم يتلاولن شربه شربة ماء قبل المغرب بقليل فهذا الفعل لا أصل له، وهو من البدع، وهو من المخالفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته، وهو القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن الله سبحانه وتعالى en ce qui concerne la femme qui a les luches, la femme qui a ses menstrues, il n'est pas permis pour elle de jeûner comme il n'est pas permis pour elle de prier. Hein? La prière, il ne la rattrape pas. Parce que c'est difficile. Quand la femme a 15 jours de menstrues, ou il a 40 jours de luchi, vous voyez la difficulté pour rattraper la prière. Et ça, de là, tu vois la miséricorde d'Allah. Et la grande miséricorde d'Allah, comment il est immense. Mais il faut qu'il rattrape le jeûne, parce que le jeûne, ce ne sont que quelques jours, hein, un mois dans l'année. Hein? Donc, il va rattraper les 6 jours de menstrues, ou plus, ou moins, et ainsi de suite. Hein? Mais la prière, il ne la rattrape pas. Et ceci est confirmé dans la sunna de notre prophète, alayhi salam, dans le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, qui est un long hadith, où le messager, alayhi salam, dit, la femme qui a ses menstrues, hein, ne prie pas et ne jeûne pas. Il leur a dit, n'est-ce pas que la femme qui a ses menstrues ne prie pas et ne jeûne pas? Donc, une ramène sa raison dans la religion d'Allah. Il se dit, moi j'ai mes menstrues. Mais je vais jeûner pour le respect de la journée. Les hommes de science, ils disent, il est haram pour toi de jeûner. Il est haram pour toi. Il dit, bah, pour le respect du mois sacré, je jeûne. Les hommes de science lui disent, toi, tu respectes le sacré du mois plus que le souverain, subhanahu wa ta'ala, qui lui qui a créé, qui a légiféré ce qui est bon pour les gens, lui qui a donné les autorisations, il n'est pas permis pour toi de jeûner. Et ton acte s'est immiscé, et immiscé ta raison dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et immiscé ta raison là où il ne faut pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la femme qui a ses menstrues, hein, respecte le sacrement du mois de Ramadan, ben il n'aurait pas interdit le jeûne pour elle. Et donc on voit que ça, ce sont les passions qui l'emporte. Il a raison qu'il se met en avant des textes. Et si la femme qui est en état de menstrue et qui est c'est le jeûne, ben il a commis un énorme péché. Les hommes de science attirent l'attention aussi sur l'acte que font certaines femmes. Ils délaissent la nourriture et la boisson durant toute la journée alors qu'ils sont en état de menstrue. Et puis, 10 minutes ou 5 minutes avant le Mughrab, ils prenaient un verre d'eau. Hein? Et cet acte n'a aucune origine. Cet acte est insignifiant. À la base, ce qui est demandé, c'est que tu ne jeûnes pas. Et ceci est contraire à la sunna du prophète, alayhi salam. Ceci est une innovation de la religion d'Allah, azza wa jal. Alors que le messager a dit, alayhi salatu salam, celui qui a œuvre une œuvre qui ne fait pas partie de nos ordres, il lui sera rejeté. Farabbul izzati subhanahu wa ta'ala. Ma harrama. لما حرم الصيام على الحائض والنفاس فهذا لعلة لأن الحائض أو النفساء في حاجة إلى تقوية فتكون في الحالتين ضعيفة نفسيا وبدنيا وتكون بحاجة إلى التزود بالأكل والشرب ها وفقط من باب الأدب لا تأكل أمام الصائمين وإلا فلا نص يحرم عليها ذلك ولا نص يرغب في ذلك ولا تجوز نصوص تجعل الصائم أكثر أجرا إذا أكل أمامه أبدا أكلت أمام زوجها أو أمام أبنائها هذا لا يضر أرادت أن تختفي ما في إشكال لكن لا شيء يلزمها ألا تأكل أمامهم فإذا أردت أن تلزمها بشيء فعليك بدليل من الكتاب والسنة ولا دليل عندك. Donc, le souverain subhanahu wa ta'ala, quand il a interdit le jeûne pour la femme qui a ses menstrues, celle qui a ses louchis, c'est pour une cause bien précise. C'est que la femme qui a ses menstrues et la femme qui a les louchis ont besoin d'être renforcés par la nourriture et la boisson, parce qu'ils sont dans un état de faiblesse, que ce soit moralement ou physiquement. Et regardez, des fois, quand la femme commence ses menstrues, au milieu de ses menstrues, les crises que ça lui prend, qu'il n'arrive même pas à se réveiller toute une journée, ou là, toute une après-midi, et le mal de tête qu'ils ont, etc. Donc, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, leur a interdit de ne pas jeûner, c'est parce qu'il y a une cause. Et parce qu'ils ont besoin d'être renforcés par la nourriture. Et ils ont besoin aussi de leur remonter le moral. Hein? Enfin, maintenant, c'est par bon comportement, ils se cachent pour ne pas manger devant les jeûneurs. Il n'y a pas de mal. Mais il n'y a rien qui l'oblige. S'il mange devant son mari, devant ses enfants, il a le droit. Hein? Il n'y a rien qui vient lui interdire. Non, tu n'as pas le droit de manger devant ton mari ou devant tes enfants. Mais s'il se met dans un coin, ou quand les enfants ne sont pas là, il mange. Il a le droit de faire comme il veut. Hein? On n'a pas à lui imposer quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas imposé et que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas imposé. Hein? Et il n'y a pas non plus de texte qui nous dit que le jeûneur devant lequel on mange, il a plus de récompense. Non plus. Hein? Allah il t'a fait obligatoire le jeûne, tu jeûnes dans n'importe quelle situation. ومن يسر هذا الدين أنه ليس على من أكل أو شرب ناسيا قضاء أو كفارة بل يتم صومه قال المبعوث رحمة للعالمين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه والحديث متفق عليه. Parmi les facilités de cette religion, c'est que celui qui mange ou qui boit, il a oublié qu'il est en état de jeûne. Et il mange et il boit. Il n'a pas à rattraper, il n'a pas à donner d'expiation, il n'a pas à compenser rien de tout ça. Dès qu'il se rappelle, il arrête, il s'essuie la bouche, et il continue sa journée. Celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais parlé de ses propres passions, qui n'est que le véridique, qui n'a dit que la vérité, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, il a dit, celui qui a oublié qu'il est en état de jeûne, et qu'il a mangé ou qu'il a bu, qu'il continue son jeûne, Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri et qui l'a fait boire. Hein? Na'am. إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب فلا كفارة عليه ولا قضاء وهذا في جميع أنواع الصيام سواء كان صوم نذر أو صوم واجب أو تطوع لا فرق بينهما في الحكم وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن رفع عنها الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه وي Quand la personne mange alors qu'elle est en état de jeûne et qu'il a oublié, il mange ou il a mangé, il a bu, il n'a pas d'expiation à ramener, il n'y a pas à rattraper, il n'y a pas de compensation non plus. Et ça concerne toutes les formes de jeûne. Le jeûne obligatoire, le vœu qu'il aura fait pour jeûner, les jeûnes surrogatoires, toutes sortes de jeûnes. S'il lui arrive, ben il continue sa journée. Hein? Il n'a pas rattrapé. Il n'y a aucune différence. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant cette communauté spécifiquement. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné les erreurs, les oublis et les choses sur lesquelles qu'on l'a contrainte à faire. Hein? L'oubli, l'erreur et les choses qu'on nous a contraints à faire, qu'on a fait sous la contrainte. Tous Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne à cette communauté. Et c'est une spécificité pour cette communauté. وَالْمُخْتَئُ كَالَّذِي يَظُنُّ الْوَقْتَ لَيْلًا فَيَأْكُلُ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ أَوْ طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ أَوْ كَالَّذِي يَسْمَعُ آذَانًا بِالْمِدْيَاعِ فَيُفْطِرُ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ آذَانُ بَلَدٍ آخَرَ تَوْقِيتُهُ مُخْتَلِفٌ وَهَكَذَا Celui qui est dans l'erreur, celui qui commet une erreur, comme celui qui croit que c'est toujours la nuit, que l'aube n'est pas levée, l'aube véridique n'est pas encore là, n'est pas apparue encore. Il continue à manger et boire. Et après, quelques instants après, il lui apparaît que, là, c'est déjà l'aube véridique. Khlas, il continue à jeûner. Hein? Continue à jeûner. Et comme aussi, celui-là a une radio et tout d'un coup la radio il entend l'adhan. Mais c'est peut-être l'adhan de Riyad ou l'adhan d'un autre pays dont les horaires ne sont pas conformes. Et lui, il est distrait par son jeûne, etc. Et prend un verre et boit. Et tout d'un coup, il se rend compte que c'est l'adhan d'un autre pays et que sa radio, il était sur des ondes différentes. Hein? Et continue sa journée. Hein? Pas de rattrapage, pas de compensation, pas d'expiation. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. وَكَذَلِكَ الْمُكْرَهُ فَحُكْمُهُ مَا كَحُكْمِ النَّاسِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ رواه ابن ماجه. Il en est de même pour celui qui est contraint. On le contraint à rompre le jeûne. On lui met un magnum 38 là, sur le fond. Ou tu bois ou je tire. Khlas, il boit. Et il est comme celui qui a oublié ou celui qui l'a fait par erreur. Hein? Le hadith du messager alayhi salam, c'est Ibn Majah, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a excusé cette communauté, ma communauté de l'erreur, il lui a excusé l'erreur, les choses qu'ils font par erreur, l'oubli et les choses sur lesquelles on les a contraints de les faire. وهذا الحديث يوافق قول ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال عز وجل كما عند الإمام البخاري نعم فعلت. ها لما دعا أصحاب رسول الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء جاء الجواب من الله. Ce hadith du messager عليه الصلاة والسلام est conforme au verset à la fin de sourate Al-Baqarah où il dit Seigneur, dont la traduction approximative nous dit cela. Seigneur, ne nous châtie pas pour nos oublis et nos erreurs. Contre les nobles compagnons, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, contre les nobles compagnons, on fait ce dua. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, j'ai fait. Hein? فهذه الأمة رفع عنها رفع عنها عز وجل الخطأ والنسيان فإذا كان الله رفع عن هذه الأمة والخطأ والنسيان فالمكره رفع عنه ما هو أكبر وأشد من أكل الناس أو المخطئ وهو الكفر في قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ها Et cette communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de sa miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a excusé les erreurs et les oublis de cette communauté, des individus de cette communauté. Si Allah subhanahu wa ta'ala maintenant a excusé à la communauté les erreurs et l'oubli, ben celui-ci le contraint, c'est encore plus. Parce que celui-ci le contraint, sous la contrainte, il lui a été excusé pire que ça. La mécréance lui a été excusée. Pire que le fait de boire ou par erreur, ou de manger par erreur, ou par oubli durant la journée de Ramadan. La mécréance lui a été excusée. Comme ce qui est arrivé à Ammar ibn Yasir. Et le verset est descendu. Hein, qui dit, dans la traduction approximative du sens du verset, sauf celui qui a été contraint et son cœur et qui est plein de foi. Khalas. Fal ikrah mimma yamna'u ahla al-'ilm takfir man waqa'a fi al-kufr. Fa hadhihi an-nusus al-'amma yatabayyan lana. Fa bi hadhihi an-nusus al-'amma yatabayyan lana anna an-nas aw al-mukhti' aw al-mukrah la shay'a 'alayhima muslimun waqa'a fi yadi al-'adu. وأجبروه على الأكل وهو صائم يأكل وصيامه صحيح لأنه مكره ولا قضاء عليه ولا كفارة في الراجح من أقوال أهل العلم Donc la contrainte est une cause par, qui empêche les hommes de science à décréter la mécréance de quelqu'un qui a commis une mécréance. Et ce texte général nous clarifie sur celui qui oublie, celui qui rompt son jeûne par erreur ou par oubli ou par contrainte qu'ils n'ont ni à compenser, ni à rattraper, ni à expier, rien de tout ça. Un musulman durant le mois de Ramadan qui tombe entre les mains de l'ennemi d'Allah, et qu'il le contraint à boire et à manger, il mange et il boit, ils sont jeunes, il est correct. Hein? Selon la parole la plus, il n'a rien à faire, selon la parole la plus prépondérante, c'est les hommes de science. وَلَعَلَّا أَحَدًا يَتَسَاءَلْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّاسِ وَالْمُخْطِئِ المخطئ كالذي يظن أن الشمس غابت فيأكل ثم يتبين له العكس أو كمن قام من النوم فنظر إلى المنبه فرأى الخامسة فأكل وبعد حين تبين له أنها السابعة وأن الفجر قد طلع فلا شيء عليه لأن المخطئ قد يفعل شيئا على أنه صواب ثم يتبين له أنه خلاف ذلك أما الناس فهو نسي أنه صائم فأكل وشرب يعني أصابه شيء من الدهون فأكل وشرب Donc peut-être qu'on peut se poser la question c'est quoi la différence entre celui qui oublie entre l'oubli et l'erreur celui qui commet une erreur comme celui qui croit que le soleil s'est couché il mange il lui apparaît tout d'un coup que le soleil ne s'est pas couché Ou comme celui qui s'est réveillé durant la nuit et il était étourdi par le sommeil, il regarde. et il louche, ah, il voit 5 heures, alors que c'est 7 heures. Il voit 5 heures, il mange. Et tout d'un coup, il lui apparaît que le jour, il est plein, le jour est levé. Hein? Ça, c'est l'erreur. Et donc, il est excusé aussi. Il continue son jeûne et il n'a rien à rattraper. L'oubli, c'est que la personne oublie qu'il est en état de jeûne. Et il prend quelque chose et il la boit. Non. Il a oublié. Il a été distrait, mouhim. Hein, il est arrivé à la fin de la journée, la sécrétion est montée au cerveau, hein, et il a oublié. Khlas, il a bu. Et la même chose, il n'a rien à rattraper. Hein? Amma alladhi ya'kulu wa yashrabu muta'ammidan fi nahri Ramadan duna 'udrin mubih. Fahada atima. ويعتبر ذنبه من كبائر الذنوب ومن استحل ذلك فقد كفر فهذا بطل صومه ووجب عليه التوبة من هذا الذنب العظيم وقضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه كما يظن البعض وحكم القضاء استفاده أهل العلم من حديث المجامع لأهله في نهر رمضان وقياسا عليه وعلى حديث المفطر بالقيء عمدا أما حديث من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صوم الدهر وإن صامه هذا حديث لا يصح لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه يرجح عدم القضاء على المفطر عمدا وهذا مذهب ابن تيمية قال ابن تيمية في الاختيارات لا يقضي متعمدا بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه وهذا مذهب ابن حزم ورواه ابن حزم عن أبي بكر الصديق وعن عمر وعن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود رضي الله عنهما فالأمر فيه خلاف ها فتفطن بارك الله فيك إذنك Quant à celui qui rompt son jeûne volontairement en plein jour de Ramadan, sans avoir d'excuse, ni maladie, ni il a oublié, rien du tout, celui-là il est tombé dans un péché. Et c'est un grand péché, c'est pas un petit péché. Et celui qui dit que maintenant rompre le jeûne volontairement durant Ramadan, il est cite, celui-là il est sorti de l'islam. Khalas. Hein, parce qu'il ne reconnaît pas une obligation de l'islam. Donc, hein, d'akhlas. Il a signé sa sortie. Hein? Et donc, celui qui rompt le jeûne volontairement, il doit se repentir de ce péché, qui est un énorme péché. Il doit rattraper ce jour selon la parole de certains hommes de science. Et les hommes de science ont extrait le fait qu'il doit rattraper du hadith de celui qui a eu un rapport avec sa femme durant la journée de Ramadan. Et du hadith de celui qui a vomi volontairement, qui a mis son doigt pour provoquer le vomissement. Partant de là, ils ont décrété que celui qui rompt son jeûne volontairement, sans excuse valable, il doit le rattraper. Quant au hadith qui dit, celui qui rompt son jeûne, qui rompt un jour du mois de Ramadan, volontairement, même s'il jeûne la vie entière, il ne pourra pas le rattraper. Ceci est un hadith qu'on n'a pas le droit d'attribuer à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons aucun droit de l'attribuer à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'est pas fiable. Cheikh Nasr dit l'Albani rahimahullah, pour lui, il est plus prépondérant que celui qui jeûne durant la journée de Ramadan, qui rompt le jeûne durant la journée de Ramadan volontairement, sans excuse, il ne le rattrape pas. Et ça, c'est la voix de Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. دور اختيارات لشواذ بن تيمية إلى دي رحمه الله concernant celui qui rompt le jeûne volontairement sans excuse il ne le rattrape pas il ne sera pas accepté de lui ni la prière non plus la prière qu'il délaisse volontairement tout ce qu'il délaisse volontairement pour Ibn Taymiyyah que ce soit la prière ou le jeûne il n'a pas à la rattraper et s'il le fait, il ne sera pas accepté de lui d'où vient ceci la base de cela ce n'est pas Ibn Taymiyyah la base de cela c'est ce que rapporte Ibn Hazm rahimahullah car c'est la voix aussi d'Ibn Hazm. Et il le rapporte d'Abu Bakr Siddiq, de Omar, de Ali ibn Abi Talib et d'Ibn Mas'ud. Quatre compagnons. Donc tu vois ici aussi, la situation est une situation dans laquelle il y a une divergence. Donc, notre esprit devant la divergence doit être large. Doit être large et on ne doit pas imposer par la force contrainte quelqu'un à prendre notre position. On argumente, c'est tout. Et la personne opte pour ce qui lui apparaît plus proche de la preuve. فتراخ الإسلام أن هذا كذلك موضوع خلاف بين أهل العلم. فموقفنا من الخلاف أن نبين. مثلا ترجع عندي هذا القول فأبين بالدليل ترجع عند الآخر القول الآخر فيبين بالدليل ولا نجعل هذا خلافا بيننا هذا اختلف فيه أهل العلم الكبار فالخلاف يجب أن يكون عندنا صدر رحب للخلاف الذي وقع بين العلماء المعتبرين في هذه الأمة فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأخذ الله لكم جزاكم الله خيراً